les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 21h30. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand est là, lui aussi, avec une sélection musicale qui commence avec des pièces auxquelles participe Michel Robidoux, qui nous a quittés cette semaine. Cinq pièces comme ça pour le premier bloc. Et ensuite, on va faire un tour du côté de Ray Cooder, le Captain Beefheart et toutes sortes de choses. Allons-y. Avec l'aile doucement repliée, sans testament, et se mirant dans l'or des lunes de mon épi, tout brillant, luisant de l'ombre. Et l'engoulevent, il est il ne fait plus son tannant. Avec l'air doucement replié, sans testament, se mirant dans l'or des lieux mon épis, tout brillant du sang de l'angle du vent. Faut que je me mette du sang dans

échangeurs d'air, toujours avec vous jusqu'à 21h30. D'abord, comme premier bloc consacré à Michel Robidoux, qui nous a quittés cette semaine. D'abord, Robert Charlebois et Louise Forestier, de 1968, l'album qui est devenu Lindbergh, la suite de la pièce Engagement. Évidemment, il faut penser que Robidoux n'avait pas échappé à Robert Charlebois, qui s'est dit, tiens, ça ferait du bien voir un guitariste comme ça, puis quelqu'un qui est capable de faire des arrangements, puis de faire toutes sortes de trucs. Louise Forestier non plus s'était pas trompée, et dans son Louise Forestier de 1969, elle l'utilise entre autres dans From Santa to America, et L'Infonie. Pour ceux qui ne connaissent pas L'Infonie, allez lire là-dessus. André Perry présente L'Infonie, 1969. J'ai perdu 15 cents dans le nez froid d'un ange bronzé. Et ensuite, parmi les trucs les plus connus, Jean-Pierre Ferland et Michel Robidoux, mais ça, Jaune, là, c'est lui qui a fait les musiques, Le Chat du Café des Artistes, disque extrêmement intéressant pour beaucoup, et les arrangements de Robidoux sont vraiment excellents. Et Michel Robidoux a fait aussi toutes sortes de choses, mais j'y reviens. Franck Dervieux nous faisait sur Dimension M de 72, Dimension M pour Moebius, avec Robidoux à la guitare. Robidoux, ben, c'est aussi toutes sortes de choses comme des musiques pour Passe-Partout, effectivement. Même quand on sait pas, qui c'est, il a quand même marqué la vie de beaucoup de gens. C'est le fils de Fernand Robidoux, qui a été le premier interprète à enregistrer des chansons originales québécoises. Alors que son fils, Michel, a été celui qui a fait entrer, je dirais, la musique québécoise dans la modernité, avec tous ces trucs. En fait, il a participé à ce mouvement-là. Il y en avait d'autres là, qui étaient là, entre autres André Perry, justement. Puis sa mère était comédienne et musicienne aussi, Jeanne Couet. Il jouait de toutes sortes d'instruments de musique. Moi, quand je l'ai rencontré une fois, ça a été extrêmement sympathique. D'ailleurs, il était reconnu pour être quelqu'un de sympathique. Moi, ma seule expérience comme ça, c'est j'étais chez ma soeur, mon ex-beau-frère, et il était venu cogner à la porte. Il avait rendez-vous avec mon ex-beau-frère, et on s'est mis à jaser. Poum, ça a comme parti tout de suite à cette époque-là. Et riait parce qu'on lui avait demandé d'être bassiste pour Les Ours. Vous connaissez peut-être le groupe Les Ours. Il dit, c'est drôle parce que j'ai jamais été bassiste de toute ma vie. Et il faut dire qu'il avait connu de très bons bassistes aussi. Mais c'est ça, alors, il avait fait l'arrangement de leur premier disque. Ensuite, eux, pas fous non plus, se sont dit, tiens, ça doit être plaisant d'avoir quelqu'un comme ça dans son équipe. Alors, il a participé à ces albums-là. Il a travaillé avec Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Louise Forestier, Mouffe, Jean-Pierre Ferland, évidemment, et aussi et Clémence Desrochers, et aussi Leonard Cohen. En fait, il a fait des arrangements, entre autres sur I'm Your Man, pour deux chansons. Il a travaillé avec Jean-Guy Moreau, Claude Dubois, Tony Raban, Diane Dufresne, Franck Dervieux, qu'on a entendu en dernier, le groupe Contraction, et plusieurs autres. Il a lancé en 2017 un premier album qui reprend ses grands succès, avec entre autres Pierre Lapointe, Alex Nevsky, Bia, Catherine Major, Ariane Moffat, Pierre Flynn, il y avait Daniel Bélanger aussi. C'est ça. Puis il a gagné quand même, ce qui est assez normal dans un certain sens, 5 prix Félix de 82 à 2003. Introduisé au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens. Prix Grand Classique Choquant pour les chansons ayant été jouées plus de 100 000 fois à la radio. Eh oui, c'est Michel Robidoux. Thank you. Lord, I'm a cook for a cigarette. When you finish, choke it, 'cause I wanna smoke it. Lord, I'm a fool for a cigarette. Mind when you throw your cigarette. Mind when you throw your cigarette. When you finish, choke it, 'cause I wanna smoke. I wanna smoke. Lord, I'm a fool for a cigarette. Help me, brother, I wish you would, 'cause I feel so bad and I wanna feel good. Feeling good, feeling good. All the money in the world I spent on feeling good. Well, you see them folks all dressed so fine, dancing, drinking champagne and wine. They pinch your pockets now if they could, 'cause they ain't doing nothing but feeling good. Together now, if they could, well, the whole round world would be feeling good. Feeling good, feeling good. All money in the world spent on feeling good. Have you seen that digital handyman? Have you seen that digital handyman? Have you seen that digital handyman? I've been hearing his name all over this land. Rainy nights out in the engine house, sleeping silent as a mouse. Man, come along, threw us out in the rain. Vigilante man. Have you seen a digital handyman? Have you seen

Les échangeurs d'air, toujours avec vous. Ray Cooder commençait le dernier bloc avec une pièce tirée de l'album Paradise and Lunch de 1974. I'm a fool for a cigarette feeling good. Ray Cooder, j'aimerais pouvoir résumer sa carrière. Oui, mais c'est impossible. Alors, bon, guitariste, compositeur, chanteur, écrivain, producteur aussi, entre autres, fait connaître Buena Vista Social Club à une certaine époque. Il s'est promené un peu partout. Il a produit Ali Farka, il a enregistré avec Ali Farka Touré, etc., etc. Il s'est promené un peu partout. Il a fait des trucs aussi. Bon, il a un côté social aussi à tout ce qu'il fait. Et il a fait des musiques de films, aussi des albums studio. Il y en a quand même un bon paquet de musiques de films. Entre autres, Paris, Texas, par exemple. Comment claquer un million de dollars par jour? Tiens, okay, ça, c'est drôle, je savais pas. Johnny Bellegueule, etc. Puis il a participé à plein de choses. Puis il a fait de la musique pour un conte pour enfants, lu par Robin Williams. Tiens, voilà. Ensuite, Mary Airbreaks, sur Mary Airbreaks, 1973, Vigilant Man. Mary Airbreaks, ben, c'est un type qui s'appelle comment? Bill Hammonds, qui était connu sous le nom de Watermelon Slim. C'est un bien joli nom de bluesman. Puis, bon, on parle de la guerre au Vietnam. C'est un album qui se veut, selon lui-même, anticapitaliste, anti-impérialiste. Puis ça marche. Ça fonctionne. Brave Belt terminait avec une voyons, Truckers, Kickers, Cowboys, Angels, Volume 4, Crazy Arms, Crazy Eyes. Alors, c'est un peu le groupe qui précède Backman, Turner, Overdrive. Alors, on a Backman, on a Turner, mais Overdrive n'est pas là. Par exemple, là, on avait, comment il s'appelait, donc, voilà, le frère Robbie Backman aussi, puis Turner, qui est devenu le chanteur pour ce projet-là. Puis c'est drôle parce que un de ces jours, peut-être que Jean-Philippe va mettre du Backman Turner Overdrive. Non, lui-même, donc, il fait le nom de la tête. Il n'en a jamais mis. Puis on ne sait même pas si c'est ce que c'est exactement. Qu'est-ce qu'on va avoir après? On va aller faire un tour du côté du Captain Beefheart et d'autres choses. Wait. fingers have been doing on my guitar since I've been gone. Don't anybody tell her I've been doing the low yo yo yo yo like any other fella away from home, all alone. Been doing the low yo yo yo yo yo. Yeah, I've been really carrying. Slow, go slow. The rich are rich and the poor are poor. But everybody's doing the low, yo, yo, yo, yo. Everybody could and deep down everybody knows they should do the low, yo, yo, yo, yo. Qu'est-ce qu'on a eu? Voilà, Captain Beefheart and the Magic Band sur l'album Clear Spot de 1972. Low Yo-Yo Stuff. Intéressante vie que celle de monsieur Don Van Vliet ou Don Glenn Vliet, selon son nom à la naissance. Un autre qui a fait beaucoup de choses, évidemment, parce qu'il a été plus connu par la suite comme artiste-peintre. Artiste-peintre qui vivait fort bien de ses œuvres. Évidemment, moi, je l'ai connu avec Muffin Man puis des trucs comme ça avec Frank Zappa. Mais c'est surtout avec le Magic Band, finalement, qui s'est démarqué. On disait que c'était un leader autoritaire. En fait, il était relativement difficile à vivre dans certaines circonstances. C'est ça, donc c'est Captain Beefheart. Effectivement, beaucoup de trucs intéressants. Une voix large, haute, avec plusieurs octaves, amenaissant des octaves. Kaleidoscope nous faisait Burnist, l'album de 1970, Chocolate Whale. Voilà, je vais faire défiler tout ça rapidement. Kaleidoscope, il y avait là-dedans? David Lindley, entre autres. C'est un groupe qui était actif de 66 à 70. Puis il faut pas les confondre avec Kaleidoscope, un groupe britannique qui a changé de nom pour s'appeler Fairfield Power. Qui faisait plus britannique, effectivement. Ensuite, Mouse and the Traps. Nous faisait The Fraternity Years, truc de 1997, la pièce Liebeg, Burrow and Steel 68. Et nous avons terminé avec The Seeds, qui nous faisait de l'album Future de 67, la pièce Crowd of the Question. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour continuer? Tiens, Alex Chilton, allons-y. That's gonna please ya. Just a little town down in Indonesia, Bangkok. Yeah, Bangkok. Two snotty-eyed men lying in bed. One got his mauser, the other said Bangkok. Ooh, Bangkok. Making love the Japanese way. I learned aggressively in Hong Kong, Bangkok. Ooh, Bangkok. Margaret Trudeau, Jackie O, Madame Newman, Bridget Bardot. Just take you back to somewhere you once saw. but they get tough to talk to. I can't understand the way they do. I can't understand the way they act. I can't understand anything. Their life might have been hard. Their life would have been bad. They sure are hard to talk to. Maybe it's their mom and dad's fault. Think back. Oh, I'm sad, but I won't. But they crack. I'm hurt. You're right. Take this girl. She crack. I won't. But she didn't think that I don't. She goes around this town with her head around those white giggle places. I don't wanna hurt her. I don't really wanna help her. I can't talk to her now. I just give up a while. She cracks. I'm sad, but I won't. She cracks. I'm hurt. You're avec vous, les échangeurs d'air. Lors de l'avant-dernier bloc, parce que nous en aurons un dernier, Alex Shelton sur une bande originale Ork Records, New York, New York, paru en 2015, la pièce Bangkok de 1978. Puis, il a été connu pour avoir fait partie des Box Tops. Box Tops, oui. Du groupe Big Star aussi. Puis ensuite, il a fait une carrière solo. Il n'a jamais reconnu de grands succès, mais il a tourné pas mal. Il est décédé en 2010 à la Nouvelle-Orléans. Puis il était passé à Geleno à un moment donné, ce qui peut toujours faire du bien pour une carrière, surtout à l'époque où Geleno était vraiment extrêmement populaire. Marie et les garçons. Sur Marie et les garçons de 77, rien à dire. Marie et les garçons qui a fini par s'appeler les garçons. Pourquoi? Ben Marie est partie. Voilà. Elle s'appelait Marie Girard. Il y avait Patrick Vidal, Eric Fitouzi et bien d'autres. C'est ça. Alors, punk? Oui, un peu punk. Voilà. En 76, le groupe s'appelait Femme Fatale. Puis ils ont changé de nom pour s'appeler Marie et les garçons. Ensuite, Nicky Soden nous faisait Waiting on Egypt. And the Bible Belt, c'était de 2001, une compilation où on retrouve Opium Pits, en fait un truc qui était fait en 82 ou 83, Nicky Soden, qui s'appelait comment de son vrai nom? Hein, on sait, Jean-Philippe, oui, comment il s'appelait, voilà, Adrian Nicholas Godfrey. Nicky Soden. Et nous avons terminé avec The Modern Lovers, The Original Modern Lovers de 72, She Cracked. On peut pas trouver ben d'autres choses des Modern Lovers, parce qu'en fait, c'est un album de Modern Lovers, et pourtant, une grande influence. Voilà, avec notre ami Jonathan Richman, qui est un guitariste fort connu et qui a décidé, ils ont ressorti un disque quelques années plus tard C'est ça, The Modern Lovers. Donc, une courte histoire de 70 à 74, puis ils sont réunis de 76 à 88, mais toujours avec pas d'album, pratiquement. Voilà. Et maintenant, il va nous rester Death in Vegas, The Flying Lizards et The Whibley Brothers. Tout pour les échangeurs d'air. Dans le dernier bloc, nous avons eu le groupe Death in Vegas, la pièce Hands Around My Throat sur Scorpio Rising de 2002. The Flying Lizards nous faisait sur Fourth Wall Hands to Take. Et nous terminions avec The Wibbly Brothers qui nous faisait Der Wawazawa Go Weird de 1982. Des gens qui ont sorti leur deuxième album 38 ans après le premier. C'est peut-être un record, mais il faudra analyser tout ça. Et moi, qu'est-ce que je fais à ce moment-ci? Je vous dis à la semaine prochaine, tout simplement.